échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand est là aussi avec son chapeau. Aujourd'hui, une émission qui commence avec de l'afrobeat, de l'ethio jazz, de l'afro-funk. Ensuite, ça se poursuit avec toutes sortes de choses. Oui, on peut dire ça comme ça, toutes sortes de choses. Du Maria Hahn, du Mum, Aaron and Tahiti, puis on a du Stella, comme par hasard, Reynaldo and the Loaf, toutes sortes de petits trucs qu'on commence à entendre dès maintenant. ne veux plus rien faire aujourd'hui. C'est pas normal ça? Il n'a plus de rêve, il n'a plus d'envie. Roberto s'est levé à 6h ce matin et il est déjà au bout. Roberto veut juste aller en vacances. Le rêve, c'est pas pour les privilégiés. Le rêve, c'est pas pour les autres. Et Roberto, par le travail, tu peux quand même gagner ta liberté. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus que le minimum syndical? Et monsieur, le minimum syndical? Syndical, réveille-toi, rêve-toi. Ils sont tous partis au chantier alors. L'effort, ce n'est plus ta tasse de thé alors. Et monsieur le minimum syndical, même ton sourire, il faut se le payer. Et monsieur le minimum syndical, ramasse-toi, répands-toi, saute, vole. Je t'en prie, réagis. Lève-toi. Roberto. Roberto. Roberto. Roberto. Assez. Roberto. Roberto. Roberto. Roberto. Roberto. Roberto. Roberto. Show. solo. Ore ore sona igai moto motte sona. Jojo jojo bye bye. Jojo jojo bye bye. Jojo jojo bye bye. Jojo jojo bye bye. Akana ore tai wa sho ga. Tai wa sho. Asore ore tai wa sho. Tai wa sho. Mamma se ge tai wa sho ga so. Tai wa sho. Atamo ore tai wa sho ga. Tai wa sho. Tai wa sho. Show. Show. Show. Ça faisait longtemps qu'on était allé autant du côté de l'afrobeat que ça. Puis l'afrobeat qui s'est répandu partout sur la planète maintenant. Sons of Kemet commence avec Going Home sur l'album Burn de 2013. Eux, ils viennent de Londres. Oui, parce que les Anglais ont aussi se sont emparés aussi de l'afrobeat. Nous sommes passés ensuite à Aria Astrobeat Orchestra March of the Idiots sur Towards Other Worlds de 2012. Et là, on parle des gens qui viennent de Leeds, toujours en Angleterre. Oui, toujours là. Et ensuite, on est passé à Voodoo Game. C'est vraiment très chouette, Voodoo Game. La pièce Roberto sur l'album Autody. C'est, comment il s'appelle, Peter Solo, qui est un Togolais d'origine, qui est associé avec des Français pour nous livrer sa musique inspirée de la musique togolaise et béninoise d'une certaine époque. Parce qu'on joue beaucoup sur le fait que ça, de faire des trucs qui sont faits comme dans les années 60 et 70, dans son cas. Même la pochette aussi ressemble à ça. Alors, il a enregistré de façon analogique et tout ça, puis c'est vraiment très chouette. Adjaté nous faisait Taiwa Show sur l'album Abrada de 2017. Ben, ça s'est en allé au Japon aussi, la musique afrobeat. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment très chouette. C'est chanté en japonais. Puis, ma connaissance du japonais n'est pas nettement meilleure que celle de l'éthiopien, ben, je n'y vois que du feu. Voilà. Et il y en a beaucoup de feu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, Arat Kilo avec Mamani Keta et Mike Ladd. Arat Kilo, c'est un groupe français. Mamani Keta, elle est arrivée. Oui, elle revient ici. Voilà. Était choriste de Salif Keta. Puis elle est restée à Paris, puis elle a commencé à faire carrière là-bas. Puis Mike Ladd, lui, c'est un type de Boston qui fait du spoken word. C'est sûr qu'on n'a pas entendu sur la pièce, ou peut-être. Je ne sais pas, je ne l'ai pas remarqué. C'est ça. Mais c'est une collaboration. Donc, on s'en va un peu partout avec la phobie. Et tantôt, c'est ça que je regardais. C'est une des influences de l'afrobeat, c'est un type qui s'appelle Nerses Nalbandian. Vous irez voir. En fait, il est né en Syrie. Oui, c'est ça, de l'Ethio Jazz, dans son cas, oui. Il est né en Syrie, puis mort à Addis Abeba, puis un apatride d'origine arménienne, puis il a dirigé plein d'orchestres, parce qu'à l'époque, c'était des orchestres officiels qui faisaient cette musique, l'orchestre de la garde impériale, l'orchestre de la police, l'orchestre municipal d'Addis Abeba. Puis, donc, il a fait beaucoup de choses très, très chouette. Nelson, c'est assez drôle de voir comme ça un descendant arménien né en Syrie devenir un maître de la musique éthiopienne. Et c'est lui qui l'a un peu modernisé en amenant les instruments, les cuivres, tout ça à l'intérieur de cette musique. Donc, on lui dit merci à lui aussi. Et qu'est-ce qu'on aura après? Ben, autre chose. try to fly with me. We're taking our time. Salt it and singing, leave it to dry. Fly with me. We're taking our time. Salt it and singing, leave it to dry. Fly with me. We're taking our time. Salt it and singing, leave it to dry. Fly with me. We're taking our time. Taking our time. Taking our time. No, taking our time. Taking our time. Taking our time. Taking our time, taking our time, taking our time. Second. Thank you. les échangeurs avec vous jusqu'à 22h. Les échangeurs de quoi? D'air. On a changé de style. Oh, on est même des échangeurs d'heures, me dit Jean-Philippe. Ah oui, on a changé l'heure. Ben oui, je suis un expert là-dedans. Ubu Noir. C'est une pièce de Coil sur Scatologie de 1984. Coil, qui est un groupe d'Angleterre, musique industrielle, expérimentale, bruitiste, ambiante, néo-folk. C'est nécessairement post-punk. Donc, John Balance, qui est décédé malheureusement, qui a formé le groupe avec Peter Christopherson, qui était dans Psychic TV. Et voilà. Puis, John Balance est décédé vraiment tôt, à 42 ans. Puis, Peter Christopherson, pas beaucoup plus vieux, finalement, à 55 ans, ce qui n'est pas très vieux. Puis, il a eu la chance de mourir à Bangkok. Voilà. Puis c'est très très chouette. J'ai beaucoup aimé la pièce de Coil, qui utilise toutes sortes d'instruments, vraiment des trucs anciens, des trucs extrêmement modernes et des techniques assez drôles, comme de mettre en relation leur studio avec le projet SETI, d'utiliser des synthèses granulaires, les inversions de Marie, les méthodes de clairvoyance à la manière de John Dee. C'est ça. Fait, ils font toutes sortes de choses, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Voilà, plus rudimentaire à l'époque. Foodman et Pillow Person nous faisaient Mozuku sur un album qui s'appelle Haru Otoko no Dansetsu de 2018. En fait, c'est sorti pour le 21 septembre ou quelque chose du genre. Voilà, reviens ici. Là, il y a quelque chose d'un petit peu drôle. Donc, il y a Foodman qui vient de Yokohama, qui travaille avec Sonara sur Sun Arc Records. Puis il y a une chanteuse aussi qui est là-dessus, mais il n'y a pas une tonne d'informations. Il y a des gens qui aiment conserver un certain secret sur ce qu'ils font. Puis je pense que Foodman, c'est assez drôle parce qu'on met son nom en japonais aussi, peut-être son vrai nom. C'est dur à dire. Alors, ça ressemble à une maison avec deux carrés surmontés d'un rectangle, avec un poisson, avec une croix. Alors, j'essaie de vous décrire. C'est ça. Mais donc, ça aussi, c'était très chouette. On est passé ensuite à Maria Horn, qui nous faisait Stramonium sur un album qui s'appelle Contrapoétique de 2018. Elle, c'est une Suédoise qui semble être intéressé par l'électronique. Oui, puis qui cherche des trucs, des sonorités avec plein d'instruments électroniques, puis qui travaille pour toutes sortes de choses à la radio suédoise, entre autres, puis qui peut aussi bien être avec un quintet à cordes, qu'avec un quartet à cordes, un quatuor à cordes, voilà. Ça arrive parfois lorsqu'on lit un truc en anglais. En même temps, je cherchais pourquoi string quartet et c'est quatuor à cordes. Un quatuette. Voilà, Jean-Philippe a trouvé le bon mot. Le quatuette à cordes. C'est ça. Puis ça aussi, c'est très chouette. Aussi bien Ojana et Michel Rabia qui nous faisaient Elysian Second Sentence Wrong sur Inland Image. Des Italiens. Ludovica Manzo qui est un musicien électronique, puis Alessandra Bossa aussi qui font de l'improvisation avec percussionniste Michele Rabia. Il y a de l'improvisation et de la composition là-dedans, puis c'est plutôt chouette ce qui en sort, puis ça aussi j'ai bien apprécié. Puis on a continué avec Moum qui nous faisait Moum Spilar La La La sur Early Birds de 2012. Et c'est drôle parce que leur nom, si on écrit Moum, ça viendrait du fait que ça représente deux éléphants qui enlacent leur trompe. C'est pour ça que ça s'appellerait comme ça. Alors ça se prononce Moum. Puis pour ce qui est des noms, ben là on est dans l'islandais parce qu'ils sont islandais. Ils font entre autres du glitch et l'électronica, puis plein de sons électroniques. Il y a toutes sortes de trucs bien intéressants là-dedans. Ils sont actifs depuis 97. Oui, puis ce qu'on a entendu, évidemment, c'est un truc des débuts. Puis j'aime beaucoup les noms islandais. Joa, Valtis Dottir, puis Borreyarsson. Ça, puis c'est un, donc un collectif qui a été créé en 1997 par Gunnar Orm Tins et Orvar Borreyarsson Smarason. En fait, il a réussi à être le fils de Borreyar et de Smara. c'est ça. Puis il y avait des sœurs jumelles, Valtis Dottir, puis ils sont assez actifs, mais lentement. C'est ça. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils produisent beaucoup, mais pas vite. Voilà, c'est très sympathique ce qu'ils font. Aaron in Tahiti nous faisait Ako Yon sur l'album Casilina Tapes de 2010 à 2012. Et tantôt, je recherchais... Ah, bon... J'ai fini par par le perdre, voilà, excusez-moi, Aaron in Tahiti. La seule chose que qu'on a trouvé sur eux, c'est sur Days of Purple and Orange, un blog de musique psychédélique. Il n'y a pas une tonne d'informations, c'est plutôt le type qui fait part de son appréciation pour ce genre de musique, mais j'ai beaucoup apprécié aussi. Ce sont des Italiens, oui, voilà. Ce sont des Italiens aussi qui touchent au psychédélique un peu. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour continuer après? Ah, Midi Chrétien de Stella, The Wibley Brothers, Ronaldo and the Low, From a Stevie Moore, Bong Water, Perfect Vacuum. Mon Dieu, il y a des grands succès là-dedans. C'est le temps des grands succès. vicar. There's another vicar. But it's just imagination. Whoops, wrong again. Because I live in Rome. Now with divine ordination, I am the Pope. He's the Pope. I am the Pope. He's the magic Pope. I am the Pope. He's the Pope on a stick. And I'm here to stay. Everybody now. One, two, three, four. Pax Benedictus. Rectum. Pax Benedictus. Rectum. Pax Benedictus. Rectum. That's what all the people say. You may call me Supreme Pontiff. Hello, Supreme Pontiff. And my services are full. Oh, so full. If you hear about me dying, you hear the Pope's dying. It's a load of papal bull. Ho, ho, ho. I am the Pope. He's the Pope. I am the Pope. He's the very funny Pope. I am the Pope. He's the Pope on a rope. And I'm here to stay. Everybody now. One, two, three, four. Pax Benedictus. Rectum. Pax Benedictus. Rectum. Pax Benedictus. Rectum. That's what all the people say. Thank you. boy today. His skin was blistered and his face was gray. He had a tuba and he tried to play taps. He went away and then he ran right back. And when he smiled at me, his teeth were black. He had his horn inside a navy knapsack. Funny child, you're the one that keeps me from having fun. Just because you're my son. When I was always scared, I had to take my brain to be repaired. And you were checking to see how I fared. Yes, funny child, you're the one that keeps me from having fun. Just because you're my son. Join the Ku Klux Klan. I told him if he was a real man, wait. He tried to fly away but fell to ground. You should have heard how the band sounds. The little kids in the dark pound. Indefinitely. Funny child, you're the one who keeps me from having fun. Funny child, you're the one who keeps me from having fun. Just because you're my son. Outside the bar, we're always catching. you see? I live in this bookstore. Silence, especially when I'm screaming. I am relentless, I am relentless. lawlessness being devious. Ça se termine comme ça. On sait que notre émission est terminée quand Benoît Arcand arrive, tout prêt à faire terrain vague pour vous. Stella commençait le dernier bloc avec Midi Chrétien sur un album qui s'appelle Pouette Pouette de 1978. Alors, évidemment, on en nomme régulièrement du Stella parce que ça nous fait plaisir. Avec Jean-Luc Funk, qui est le seul qui est resté, en fait, qui est la base du groupe. Il y avait eu pendant longtemps Mimicrofilm qui et se sont séparés et musicalement et physiquement. qu'est-ce qu'on a eu après The Wibbly Brothers, I Am the Pope sur Go Weird. Ils peuvent pas aller autrement que Weird des Wibbly Brothers. J'ai essayé de comprendre vraiment ce qu'ils disaient sur l'information que j'ai trouvée sur eux puis. C'est pas si clair. Puis on parle de monde qui comment ils disent unfamiliar world. c'est ça les Wibbly Brothers. Ça vaut la peine. Vous pouvez aller voir la pochette sur notre blogspot échangeur.blogspot.com. Vous allez voir les pochettes de disques maintenant. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une autre amélioration de Jean-Philippe sur notre blog. Reynaldo Indelof suivait avec Scottish Shuffle sur Please Truve and Sniff de 1979. On les aime beaucoup, Reynaldo Indelof, vous le savez. Alors, David Jensen, qui est un pathologiste, qui fait Ted Deloaf, et Brian Poole, qui est un architecte, qui fait Reynaldo Malpractice. Puis, ils sont encore actifs. Ils ont sorti un disque. Jean-Philippe les a vus dans la semaine passée dans un show récent. Voilà. Alors, ils sont actifs. Puis, ils ont peut-être mis un terme à leur carrière de pathologiste et d'architecte pour se consacrer à la musique. Robert Stevie Moore nous faisait Funny Child sur Delicate Tension de 78. Je pense que c'est avec cet album que je l'ai connu. Possiblement Robert Stevie Moore, qui en a fait 400 environ d'albums, qui est le fils de... 500 maintenant, me dit Jean-Philippe. Et si on poursuit, on va peut-être être à 501 ou 2, c'est ça. Je me dis ça parce que ça va très vite, sa production. Des trucs toujours autoproduits. Au début, c'était des cassettes. Ensuite, il a commencé à faire des vinyles. Puis on m'a dit, il est devenu comme populaire avec un album d'autre sur lequel il y avait Chantal Lee aussi. Puis on a toujours aimé ça. Bungwater nous faisait Junior sur The Power of Pussy de 1991. Bungwater, qui ont fait un truc que je trouve très drôle, Anne Magnusson et Mark Kramer, surtout, qui avaient repris Dazed and Confused en cantonais, qui s'appelait Dazed and Chinese. Ils se sont amusés à rendre des trucs cacophoniques un peu, avec du collage. Puis ils faisaient finalement des covers, mais en y ajoutant leur touche extrêmement personnelle. Non, mais évidemment, pas seulement des covers, me dit Jean-Philippe, mais au début, ils s'amusaient à faire ça, puis ça en a fait quelque chose de chouette. Perfect Vacuum nous faisait Multimedia Bookstore sur A Guide to the Music of the 21st Century. Bon, allez sur notre blog, puis cliquez sur la pochette, puis vous allez essayer de comprendre l'histoire, parce qu'il y a plusieurs histoires différentes qui supposaient relater l'histoire de leur groupe, alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est possiblement inventé. Peut-être. On a continué avec Amos et Sarah qui nous faisaient The Snake sur Invite to Endless Latino. On peut pas trouver une tonne d'informations sur Amos et Sarah, sauf que c'est un genre de projet du groupe The Homosexuals. Et nous avons terminé avec 48 Chairs Relentless sur l'album 17% Paranoid avec Lord Coxhill qui s'est associé avec Jerry and the Holograms, et c'est vraiment très très chouette. Alors c'est ainsi que ça se termine, imaginez-vous, et je vous laisse dans les bonnes mains de Benoît Arcan, et en mon nom personnel et au nom de Jean-Philippe Boisbriand, je vous souhaite une excellente fin de soirée.